ok la mine. On est all ou pas? Depuis que sur les instruits j'ai appris à parader, y'a pas à dire. Parler de tout et de rien, c'est ça que j'aime. Tu vois ça gère, je sais que tu captes. Si t'as le dernier des iPhones ou le plus pourri des sagères. C'est le son des sales jeunes, la génération qui se drague plus que sur Messenger. De la sale graine, toujours dans les sales coups. Dans un monde où je vois un tas de sales cons faire sale con. Un grain de café d'un argent éclatant au cou. Une taille de clan et c'est l'éclipse. Depuis qu'on kick, je démarre sans cri. Demande à toutes les clics comment le son claque. Je maîtrise un art mortel comme l'arsenic. Des mois à faire sonner, avec ou sans je dois ramener le cash à la zone. Mais j'ai plus le temps de sonner, pour éviter de manger la gamelle à l'os. Laisse, je veux l'argent durable, quitte à lui pouffer la jambe jusqu'à l'os. Je lâche pas. C'est de là que je pars, du 59 que je pars. Là où on te dévisage, où t'as vite fait de rater ta vie si tu rates le virage. Allez, emballe-nous ton rap de village. Ne parle pas de bloc si t'as poussé dans des villas. On sait qu'elle t'excite cette ville-là. Que t'as vite fait dévier, tu veux défier tes remparts. On te l'a tellement dit, c'est tellement tentant les interdits. Les sons qui sortent de nos apparts, des gens à part. Un refrain et j'achève, c'est un champ napalm, faut qu'on acharne. Autrement dit poteau, faut que tu achètes. Là c'est cool, H, coupé à la hachette. MC trouve une cachette. Dans le pays du carcher, tu veux des sous, mais ils skippent pas et mangent carcher. Nous on pousse au milieu des cassos qui trouvent que la vie est bien chère. C'est un champ de napalm, mais bien cher, frère. C'est le son qui sort de nos apparts, des gens à part. Un refrain et j'achève, c'est un champ de napalm, faut qu'on achète. Autrement dit, poteau, faut que tu achètes. La zikoule hache coupée à la hachette. C'est pas une nouvelle, c'est bien la merde. On a connu que le mauvais temps, et si c'est crié sur la mauvaise pente, y'en a tellement qui glissent. La zik, elle va me laisser des traces de gloss sur la butte. Depuis que je plie les prods comme une bête. La dalle fait qu'on pètera les portes, même à coup de tête. Le crâne à plan et la barbe pas rasée. Demande à Marianne, elle te dira que c'est nous les parasites. Et c'est seulement par choix qu'elle te fera croire qu'elle n'est pas raciste. Ça pue la précarité comme un bout de pain rassis. Comme les reines noyées dans la 16 ou ceux qui comparaissent aux assises. Si tu voyais ce à quoi on assiste, je comprendrais pourquoi je trouve le monde répugnant comme les incestes. Tout grandir dans les apports pleins d'insectes. Mon rap y'a rien de comparable, très peu d'amis. Je préfère H que marcher avec des comparés. Je voudrais que les comptes se règlent, un compte en banque qui te rend serein. Je veux que ce son fasse un peu mal, pas faire un pas mal pour rien. Je préfère en faire qu'un que 10 pourri. Que 10 je l'ai mis, je vais leur mettre, c'est tout ce que 10 pleura. L-I-2-L-E, si tu cherches à localiser cette diaspora. C'est faux qui sort de nos apparts, des gens à part. Un refrain et j'achève, c'est un champ napalm, faut qu'on acharne. Autrement dit, poteau, faut que tu achètes. La zikoule H, coupé à la hachette. MC trouve une cachette, dans le pays du carcher. Tu veux des sous, mais ils skippent pas et mangent cachère. Nous on pousse au milieu des cassos qui trouvent que la vie est bien chère. C'est un champ napalm, mais bien cher, frère. C'est faux qui sort de nos apparts, des gens à part. Un refrain et j'achève, c'est un champ napalm, faut qu'on acharne. Autrement dit, poteau, faut que tu achètes. La zikoule H, coupé à la hachette. MC trouve une cachette dans le pays du carcher. Tu veux des sous, mais ne quitte pas et mange cachère. Nous on pousse au milieu des cassos qui trouvent que la vie est bien chère. C'est un champ de napalm, mais bien cher, frère. C'est le son qui sort de nos apparts, des gens à part. Un refrain et j'achève, c'est un champ de napalm, faut qu'on achète. Autrement dit, poteau, faut que tu achètes. La zikoule H coupée à la hachette. MC trouve une cachette dans le pays du carcher. Tu veux des sous.